The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Ticket. Le ticket. Please. S'il vous plaît. Round trip. L'aller-retour. One way. L'aller simple. Euro. L'euro. Miss. Mademoiselle. Now, a bit faster. One way. L'aller simple. Ticket. Le ticket. Please. S'il vous plaît. Round trip. L'aller-retour. Please. S'il vous plaît. Round trip. L'aller-retour. Euro. L'euro. One way. L'aller simple. Please. S'il vous plaît. Ticket. Le ticket. Please. S'il vous plaît. Miss. Mademoiselle. One way. L'aller simple. Now, use the words in context. Le ticket. Here are the subway tickets. Voici les tickets de métro. L'aller-retour. The round trip ticket is really expensive. L'aller-retour est vraiment cher. L'euro. I have 5 euros. J'ai 5 euros. Mademoiselle. You're very pretty, miss. Vous êtes très jolie, mademoiselle. S'il vous plaît. 2 baguettes, please. 2 baguettes, s'il vous plaît. L'aller-retour. The round trip ticket is really expensive. L'aller-retour est vraiment cher. L'euro. I have 5 euros. J'ai 5 euros.